C'est un chien fou, l'homme pris par son milieu, demi-bête et demi-dieu. C'est bête mais cela vaut mieux. C'est un chien mou, l'homme pris par son milieu, demi-jeune et demi-vieux. C'est bête mais qui dit mieux. Tolère-toi toi-même si tu es tombé, faut pas t'enfoncer. Tolère-toi toi-même, tolère-toi toi-même sans colère. Pour les autres, reviens au point zéro autre, au point zéro autre. Qu'un jour je l'aurai, le beat, ma beat me fait bouger. Je vois le monde en bas, je vois le monde en haut, je le vois de dos. Je vois bien en face, mesure ma détresse. Je suis fatigué, je veux faire dodo. Remuons nos âmes, le temps nous presse. Je suis fatigué, et le monde a bon dos. Remuons nos culs, remuons nos fesses. C'est un chien fou, c'est un chien loup, c'est un chien mou, l'homme pris par son milieu, mille lieues du lieu où il irait bien mieux. C'est bête, je sais. C'est bête mais qui dit mieux.